Alors justement, on a une pro en pseudo. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, la pro de la Sodo. Salut, la pro de la Sodo Mystère. Alors, on dévoilera pas ton identité parce que sinon ça pourrait gêner. Non, ça, je pourrais avoir des problèmes. Après. Donc on ne dit pas qui tu es. Un pseudonyme. Non, mais on l'appelle une pro en Sodo Mystère. On ne dévoilera pas ton nom, d'accord? D'accord. On parle de Sodo, mais on parle pas de Sodo. Alors, il y a peut-être des jeunes qui doivent penser que c'est des Sodo qu'on fout au-dessus de la porte et quand on ouvre, ça tombe sur la gueule et t'es tout mouillé. C'est pas ce genre de Sodo-là, hein? Non, je pense pas, parce que la sodomie, déjà, ça dépend comment c'est fait. Il y a certaines personnes qui vont faire ça d'une manière, tu vois, violente, et d'autres personnes qui vont faire ça doucement, avec gentillesse et tout ça. Avec gentillesse. Ça dépend comment c'est fait aussi. Oui, c'est sûr que... Quand c'est fait en vouvoiement, c'est toujours plus sympathique. Faites-le avec gentillesse. Soyez gentil. Il y a son frère qui est sympa aussi, Guitiès. Ouais, Guitiès, ouais. Il vient aussi. Ouais, tu parles de la sodomie, mais il y a la sodorée, il y a la sodosol, non? Il y a que la sodomie? Sodofa. Est-ce qu'il faut savoir, non, mais est-ce qu'il faut obligatoirement savoir lire une partition pour se faire sodomiser? Je te demande la sodomiste. C'est chaque personne. Bon, il y en a d'autres qui aiment faire ça, d'autres qui aiment pas, et tout dépend de la personne. Toi, tu te fais sodomiser en clé de sol? Non, pas pour l'instant, non. En clé de fa? Pas en ce moment, parce que bon, c'est pas trop ça. Quand tu utilises la sodomie, parce qu'apparemment on est dans le mi majeur, mi mineur, ou pas? Non, pas forcément. Non. Pas forcément, d'accord. Tu fais des silences, des soupirs, des doubles croches? Non plus. D'accord. On fait souvent des galipettes, donc. On fait souvent des galipettes? Ouais. D'accord. Quel conseil que tu peux donner, toi, la pro de la sodomystère, pour toutes les filles qui nous écoutent, très sérieusement, concernant ce sujet? Bah disons que le conseil que j'ai à leur donner, c'est qu'il faut d'abord en parler déjà, qu'ils en parlent déjà avec leurs copains ou leurs copines, d'essayer de savoir s'ils sont d'accord, essayer d'en parler et de consulter ça pour voir s'ils sont aptes à faire ça ou pas, parce que c'est une question de principe aussi. Si la personne ne la veut pas, c'est elle qui voit. Ça serait comme qui dirait négatif ou pas? D'accord. Non, je pense pas. Non, c'est pas négatif, c'est positif, le non, comme d'habitude. Laurent Jordan. Oui. Qu'est-ce que vous dites à tout ce qui vient d'être dit par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport à ce que vous disiez? Eh ben, pour moi, Laurent, c'est vrai qu'il faut commencer très très doucement. Et après, c'est à la fille de choisir à la cadence et comme elle veut, en fait. Hein. Oui, le mieux, c'est d'avoir un C comme on avait à l'époque. Un métronome. Voilà, non mais en fait... Faut donner le tempo, hein. Il faut commencer très très doucement, très très en douceur, et après ça... Ça glisse. Après ça y va tout seul. Après ça glisse, c'est comme dans du beurre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois, c'est quand même assez douloureux. Hein. Oui. Tu connais quelque chose, toi, dans la sodomie? Oui, moi je t'ai filmé avec Gérard. Ah, bravo, pourquoi t'as dit que c'était Gérard, bravo. Merde. Ah bah bravo. Mais Gérard, le Gérard, fils de mon oncle. Gérard Mystère. Le fils de mon oncle. Non, je le connais pas en plus. Hein. Non mais tu... Attends, c'est pas... Bon, je crois que c'était elle. Mais non. Tu les écoutes depuis longtemps, toi, non? Qui? Okay. T'es de Poitiers, toi? Ah oui, moi, je les écoute depuis toujours. Hein. T'appelles de Poitiers? Non, j'appelle de Nîmes. D'accord, ok. Ok, bon, merci Laurent. Jordan. On a tout compris, l'appel pas de Poitiers, l'appel de Nîmes. Jordan, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, je tiens à dire que moi, ça a été hyper bien la première fois, enfin, sans la double pénétration, parce que déjà, moi, c'est la fille, enfin, c'est ma copine qui voulait, donc à la limite, ça s'est trop bien passé dès le départ. On peut avoir envie d'essayer, et puis après, ne pas le sentir au moment donné où il faut le faire, ou que ça soit douloureux, quoi. Bah ouais, parce que à mon avis, enfin, moi, personnellement, je pense que si elle est déjà pas d'accord, à mon avis, ça ira pas, quoi. Bah non, mais même si elle est d'accord, elle peut quand même refuser après, quoi, ce qu'on peut comprendre. Ah non, parce que... Non mais toi, pas ta copine à toi, on parle de pas de ton cas, parce que ça a fonctionné, mais pour les autres, ça a pas rêvé. Ah bah ouais, là, ouais, c'est sûr que là... Je veux dire par là, les garçons, si un jour une copine veut faire quelque chose d'un peu particulier, on parle de ça en déconnant depuis tout à l'heure, mais c'est sérieux, la sodomie, ou autre chose qu'elle ait réellement envie d'essayer, et comment on a décidé de le faire, ça se passe pas très bien, ne le prenez pas là en disant tu sais pas ce que tu veux, je croyais que t'avais envie, parce qu'après vous pouvez en avoir envie. Ah bah ouais. Si ça ne se fait pas, ne bloquez pas, il y a plein d'autres choses à faire quand même à côté. En parlant de sodomie, justement... Ah bah voilà. Ah bah ouais. Ah, il va parler de sodomie tout de suite, Kudai. Alors, Kudai. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire? Moi, c'est bien. Ah. Non. La double pénétration. On parle de la double pénétration, moi, dans cette... T'écoutais pas? La double pénétration, je sais pas, j'en ai fait. T'as jamais fait, oui, c'est ça. Allez. Tu t'es jamais mis un MD et une DAT dans le derrière. Bon, d'accord. Alors, ne me dis pas que t'as jamais fait la double pénétration. C'est pas vrai, je te crois pas. Jordan, en tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais, bah, c'est moi qui vous remercie. Hein. Puis, hein, continue à faire des super émissions la nuit parce que je travaille que la nuit. Alors, c'est super. Mais fallait me le dire. Attends, je savais pas. Tu finis à quelle heure? À 5h du matin. Eh ben, on va aller jusqu'à 5h, c'est tout. Notez-le, à partir de lundi, on va jusqu'à 5h pour Jordan parce qu'il travaille de nuit. Allez. D'accord, ok. De mon côté, ça va être dur parce que moi, je me lève tôt le matin, mais je peux pas m'empêcher de. D'accord, de ok. Bon, on s'en fout un peu quelque part, hein, parce que c'est pour plaisanter. Je n'irai pas jusqu'à 5h du matin, rassurez-vous. Quoique, avant la fin de l'année, je prépare une nuit spéciale marathon. Il y aura sûrement 9h d'antenne d'affilée, hein, quand même. Oh bah c'est bon. Un petit 21h-6h qui est en train de se préparer, qui devrait être très intéressant et très marrant. Ça sera l'ananas sur le gâteau. Si tu vois ce que je veux dire, public averti. Je te remercie Laurent. La pro du Sodo, la pro de la Sodo Mystère. Ok, bah, je vous remercie à vous. Merci pour ton témoignage. Et puis voilà, on en profite d'ailleurs en parlant de sodomie d'embrasser Sandy et Gérard qui nous écoutent, qui aiment bien ça. Et merci en tout cas à toi, Sodomystère de Nîmes, d'avoir bien voulu témoigner.